vivre leurs premières expériences professionnelles. Tu pratiques la musique, le théâtre, la danse, le cirque, les métiers d'art, les arts littéraires, visuels, médiatiques, numériques ou multi. Tu es jeune professionnel du patrimoine? Surveille le premièreovation.com pour connaître les prochains appels de projets. Une mesure réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec dans le cadre de leur entente de développement culturel promue par CKRL. Ce soir, à l'aérospatiale, la résidence nomade sur l'île d'Anticosti, Sébastien Clich expose au lieu et l'exposition « Adieu la photographie » à la maison Amel Bruno. Auditeurs et auditrices, vous êtes à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Audrey Caro à votre compagnie pour cette édition du 24 octobre 2017 et très heureuse d'être parmi vous ce soir. Après une accalmie la semaine dernière, eh bien, on repart avec une grosse semaine en arts visuels. C'est notamment demain qu'on va apprendre le nom du ou de la gagnante du prix Sobé, qui est remis à un artiste canadien de moins de 40 ans. Vous vous souvenez peut-être de notre série d'entretiens au printemps dernier qu'on avait faite avec 4 des 5 semi-finalistes pour le Québec, parce qu'on pouvait se targuer de dire que la liste des représentants du Québec était presque que toute de la ville de Québec. Et c'est finalement Jacinthe Carrier qui avait été retenue pour représenter le Québec à ce prix. Et c'est demain qu'on saura si elle remportera cette fameuse bourse de 50 000 $. Donc, on se croise les doigts pour elle et on va vous tenir aussi au courant sur Facebook, à notre page Facebook, dès que l'annonce va paraître. Sinon, mais du moins, déjà là, elle est assurée d'une bourse de 10 000 $, hein, parce que tous les finalistes remportent justement ce prix. Sinon, il faut dire que c'est une grosse semaine en matière d'événements, mais aussi d'ouverture d'exposition. On va voir ça à la toute fin de l'émission. Restez des nôtres pour l'agenda de la semaine, car il est assez bien rempli cette semaine. Mais pour l'instant, ce qui va nous intéresser au cours de cette émission, eh bien, je vais recevoir en studio Michel Brochu-Gagnon ainsi que Laurence Bézir qui vont nous parler de leur expérience qu'elles ont vécu à la résidence nomade l'été dernier. Et de même, on va glisser un mot aussi sur l'exposition qui va avoir cours là, cette semaine, qui vont mettre en valeur les réalisations qu'elles ont faites lors de cette résidence-là. Ça a lieu à Québec, donc on va vous parler de tout ça. Mais également aussi, on va voir au bout du fil l'un des cofondateurs de cette résidence, Tom Demers, qui va nous expliquer un peu plus justement le contexte de création de cette résidence qui est maintenant sur l'île d'Anticosti. Sinon, en deuxième moitié d'émission, je vais recevoir deux chroniqueurs pour discuter, bien sûr, expositions hein, qui ont cours en lieu, cours en ce moment dans la vieille capitale. À 18h, Julien Saint-Georges-Tremblay va venir nous parler de l'exposition « Nouveau développement » de Sébastien Clich qui est actuellement en cours au lieu. Mais également aussi, je vais recevoir Héloïse Plamondon-Pagé pour discuter de l'exposition thématique « Adieu la photographie » commissariée par Hélène Matt et qui est présentée à la maison Amel Bruno. Bien sûr, cette exposition nous parle de photographie, mais plus particulièrement de la place de la photographie argentique à l'ère du numérique et des réseaux sociaux. Et voilà, donc on s'en va faire une petite pause audio. Toujours une sélection de Simon Roy qui nous présente cette semaine l'artiste Escape Trees. Et c'est un artiste de la Russie qui nous amène à découvrir sous l'étiquette Petroglyph Music. On s'en va écouter quelques extraits de Still Shitting in the North Wind. C'est en fait le premier extrait, Approach to the Snow Queen Part 2. Alors, on débute cette émission en compagnie de nombreux invités. Michel Brochu-Gagnon, bonsoir. Bonsoir. Laurence Bessil, bonsoir. Bonsoir. Et on a au bout du fil Tom Nemers, bonsoir. Bonsoir. Alors, on est ici pour parler de cette résidence nomade, une résidence que tu as cofondée, Tom. On va peut-être commencer avec toi pour parler un petit peu plus de qu'est-ce que c'est cette résidence nomade. D'où est-ce que ça origine, au juste, ce projet-là que tu as cofondé, je pense, avec Karine Locatelli, c'est ça? Oui, c'est exact. En fait, ça fait 3 ans qu'on fait le projet. Moi, j'ai embarqué un peu plus tard dans le projet, mais c'est en fait pour amener les artistes des centres urbains où on trouvait qu'il n'y avait pas assez de partage entre les villes puis les régions. Donc là, on a décidé de développer un système pour créer des parcours de résidence de création pour artistes et démocratiser leur actuel en région. Oui, et ça a commencé, ça, dans la belle région de Baie-Saint-Paul, hein, dans Charlevoix, et maintenant, c'est à Anticosti. Qu'est-ce qui a amené ce changement? Est-ce qu'on voulait aller davantage plus près de la nature? Parce que je pense que c'est un des objectifs aussi de sortir, des grands centres urbains, mais aussi de la ville pour aller dans un coin de nature, là, littéralement. Ouais, c'est un concours de circonstances qui nous a amené à aller à Anticosti. En fait, Karine, l'an passé, est allée pour la première fois pour une toute autre raison, un peu pour changer d'air. Puis là-bas, comme il y a peu de choses qui existent déjà, ben les opportunités existent comme ça. En fait, il suffit juste de lancer une idée, puis souvent on nous donne notre chance. Donc on avait les deux bâtiments de la Pointe-Ouest qui étaient disponibles. Dans le fond, la municipalité cherchait un projet, puis on les a approchés à ce moment-là pour lancer l'édition de 2017. Oui. Et il y a quand même aussi tout un programme, une mission derrière ces résidences nomades-là, c'est d'amener, oui, de sortir des grands centres urbains, mais aussi de retourner à la nature et de montrer aussi l'importance, si on peut dire, du pouvoir culturel, artistique dans les petites régions, je pense. Oui, c'est ça. Donc, on vise à, en fait, ce qu'on dit souvent aux acteurs en Anganie ou un peu partout, c'est ces artistes-là, là, on parle d'une trentaine cette année qui sont passés à Anticosti. Ça, c'est pas mal du jamais vu. Puis ces artistes-là, au courant de l'année, donc comme ce que Michel et Laurence font en ce moment, ils vont diffuser leur travail un peu partout dans la province. Puis à ce moment-là, c'est toute une publicité qu'on fait aussi à cette communauté-là qui a besoin qu'on parle d'elle, qui a besoin d'aide sociale à ce niveau-là, parce que c'est une Port-Meunier, c'est une municipalité qui est en déclin sur plusieurs niveaux depuis plusieurs années. Donc la population s'en va, en fait. Donc on amène à ce moment-là un message nouveau qui est loin du cynisme auquel les gens sont habitués. Oui, puis c'est une très petite population aussi qui ne doit pas avoir très souvent accès à tout ce qui est culturel, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc, il y a une trentaine d'années, il existait une offre culturelle. Il y avait un cinéma, il y avait des concerts, il y avait etc. La ville essaie d'organiser quelques concerts au courant de l'été puis à l'automne, mais c'est pas une offre qui est énorme. Puis donc, je pense que tout le monde mérite un peu aussi d'avoir accès à des produits culturels. Puis je pense que les régions éloignées sont souvent délaissées à ce niveau-là. Puis nous, on était des facilitateurs d'accès pour les artistes, surtout de la relève, mais un peu de toutes les champs disciplinaires. Oui, justement, j'allais vouloir te questionner là-dessus. C'est intéressant aussi le fait que ce soit ouvert à une vaste panoplie de pratiques artistiques. Quel genre de pratiques vous avez eues au cours des années, au juste? C'est beaucoup en art visuel, donc dessin, peinture, même sculpture ou performance. On a quelques musiciens qui sont passés, des artistes sonores. On a aussi des gens du domaine de la littérature, photographie. Donc, c'est vraiment... on essaie d'ouvrir ça au plus de pratiques possibles, même si ces pratiques-là ne demandent pas toutes les mêmes infrastructures ou la même organisation. Donc, on essayait de vraiment accueillir tout le monde. Oui, et justement, de quel genre d'équipement, si je peux dire, ou bénéficient les artistes quand ils arrivent là-bas? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir quand même certains ajustements, parce que tout ça, et vous choisissez par appel de dossier les artistes, mais il doit y avoir quand même toute une préparation pour accueillir les artistes. Oui, en fait, donc on a une maison qui est dédiée à ça, avec un espace atelier. Après, on choisit vraiment les projets selon la faisabilité aussi, parce que on pourrait pas accueillir quelqu'un qui a un projet trop complexe avec, par exemple, art numérique, où il faudra avoir des installations, du mapping vidéo, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait pas faire parce que on est en milieu isolé puis on n'a pas une électricité qui est si fiable que ça. Mais, c'est ça. L'artiste est averti que on a des contraintes matérielles qui peuvent pousser à la création autrement. Donc ensuite, c'est ça. C'est beaucoup aussi, exemple, s'il y a des photographes qui venaient, on avait accès à une voiture puis on pouvait aller faire des expéditions dans l'île. Puis on n'était pas contraint à rester sur place. Donc il y avait ça aussi, les résidences nomades. C'est vraiment la mouvance dans la pratique artistique. Donc, l'artiste se déplace de sa ville jusqu'à là, mais une fois arrivé, il se déplace aussi. Puis, c'est la chance qu'ils avaient cet été. Oui. Et aussi, comme on le soulignait un peu plus tôt, il y a cette volonté de créer des ponts avec la communauté locale. De quelle manière? Je pense que l'édition de cette année est un petit peu plus élaborée ou mieux préparée par rapport à l'année d'avant qui avait été un peu plus minimaliste, à ce que j'ai pu lire, là. Mais reste, comment ça s'est manifesté, ce pont avec les communautés locales? Bien, en fait, l'an passé, on louait des chambres dans l'auberge qui existait déjà. Donc, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que cette auberge-là existait. Puis, ça appartient à la municipalité, mais ils ont désiré changer de gestionnaire. Donc, l'année passée, on a loué les bâtiments en tant que client pendant deux fins de semaine. Mm-hmm. Donc, ça se limitait pas mal à ça. Puis, on n'avait pas d'échange tant que ça avec la communauté, puis avec la radio locale, puis avec la municipalité. Mais cette année, c'était complètement différent. En fait, on était vraiment les gestionnaires de l'auberge. Donc, il y avait un bâtiment pour l'auberge, un autre bâtiment pour les résidences. Tout ce monde-là se partageait entre eux, se mélangeait entre eux. On allait à chaque semaine parler à la radio pour dire ce qui se passait dans les maisons, puis on invitait la population dans nos activités. On avait aussi un partenariat avec Rivière-au-Tonnerre qui en échange de que certains artistes fassent un atelier ou un concert, etc., ben, qu'ils aient le transport par bateau gratuit de la Côte-Nord à l'île d'Anticosti. Donc, il y avait les artistes, ils se présentaient, puis ils étaient vraiment intégrés dans les communautés. Donc, ils n'avaient vraiment pas le choix, dans le fond, de rencontrer les gens puis de parler au monde. Oui, ben en tout cas, c'est une belle manière aussi de sortir de sa tête aussi, parce que souvent, des fois, quand on est artiste, on est beaucoup à la recherche d'idées, on réfléchit beaucoup, mais là, on va aussi à la rencontre des gens, puis j'imagine que ça doit être très, très nourrissant. Ben d'ailleurs, je vais peut-être m'adresser aux artistes qui sont avec nous, Michel et Laurence. Qu'est-ce que cette expérience-là vous a apporté, si je peux dire, sur le plan artistique, comme parce que là, dans le fond, vous avez été là pendant quoi, un bon 2 semaines, je pense? Moi seulement. Une dizaine de jours. Une dizaine de jours, OK. 9-10 jours, oui. Oui, la même chose pour moi. Même chose. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté quand même? J'imagine que ça a dû vous sortir aussi des terrains connus, en quelque sorte. Oui, mais même si c'est très court, là, comme séjour, 9 jours, là, on se dit ça, c'est pas beaucoup de temps pour créer. Mais l'île d'Anticosti, c'est vraiment un milieu particulier. Là, on décroche totalement. On arrive sur l'île, puis on est dans un autre monde. Là. C'est la nature partout. On le sent, c'est instantané. Donc, même si c'est court, 9 jours, c'est quand même pas si pire pour bien sentir l'île, bien sentir la nature, puis vraiment faire un projet à partir de ça. Oui, parce que je pense aussi qu'il y a cette volonté d'amener les artistes à travailler dans la nature, si on peut dire, sur le motif, comme on dit, un peu comme à l'époque. Donc, j'imagine on rentre dans la nature en soi, puis le fait d'être aussi éloigné, aussi loin aussi de un peu de ce qu'on retrouve en ville, ça doit aussi contribuer à ce que la coupure se fasse de manière plus significative. Oui, vraiment. En fait, c'est vraiment une ambiance relaxante aussi, ce qui est vraiment très différent de créer en ville, que là, en plus, ben moi personnellement, je suis à l'école, Michel aussi, donc on a quand même un rythme qui est assez, tu sais, il faut produire, il faut toujours, tu sais, on a un horaire quand même bien chargé, puis là, ben c'est comme juste avoir le temps d'être sur l'île, puis de créer, puis ben moi personnellement, je travaillais en nature, donc j'avais vraiment ce contact-là à chaque jour, puis cette chance-là de pouvoir créer à l'extérieur. Ça doit vraiment être nourrissant et ressourçant aussi pour le... Parce que je pense que tu fais autant du dessin, de la peinture aussi, donc pour le carnet de dessin, ça devait être fort intéressant. Ouais. Sinon, Michel, pour toi, comment tu dirais que ça a eu un impact sur ta démarche? Je crois pas que ça ait eu un impact littéralement sur ma démarche. Peut-être plus sur ta pratique, oui. Juste... comme dans ma conscience, de prendre conscience du territoire, puis tout ça, ça a eu un impact à quelque part. Puis j'ai essayé, j'en ai profité pour essayer des choses que j'avais jamais essayées, fait que ça aussi, ça a eu l'impact sur ce que je faisais, là. Je veux dire, j'ai expérimenté sans savoir vraiment où j'allais, puis ça a fonctionné, là. Le contexte était parfait pour l'essayer, là. Mm-hmm. Ouais. Mais j'ai pas travaillé en nature comme Laurence. Et ce rapport aussi, avez-vous la chance d'être en lien avec la communauté là-bas dans vos démarches? Ben moi, c'était ça, en fait, là, mon projet. Là, oui, c'est vrai. C'était de faire des cadavres exquis avec les gens qui étaient là-bas. Fait que littéralement, il fallait que j'aille les voir, puis les déranger, puis leur demander de participer. C'était intéressant de le faire parce que les gens ne le recevaient pas de la même manière. J'avais pas les mêmes réactions. Puis... c'était plus comique ou drôle justement d'aller vers les gens puis de parler puis de voir leur réaction puis de lire aussi les projets à la fin là. Mm-hmm. Fait que ce contact là était le fun, pas mal intéressant. Et toi, Laurence? Ben moi, j'avais moins besoin d'avoir un contact avec la communauté pour faire mon projet. Mm-hmm. Je travaillais vraiment toute seule, là. Je partais le matin en expédition un peu. Je m'en allais où ça me tentait dans la nature, puis je travaillais là seule. Donc, ce contact-là avec la communauté, moi, je l'ai eu d'une autre manière, moins artistique, là, mm-hmm. plus sur le plan humain des rencontres. Ouais, exactement. Okay. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui a marqué votre séjour là-bas? Y a-tu quelque chose qui vraiment vous fait comme « Wow, ça, là, ça a été fort pour moi comme expérience là-bas? » Ben moi, il n'y a pas un moment particulier. Mm-hmm. C'est vraiment plus l'ambiance générale. Oui. Pour tous les gens. Mais j'étais jamais allée sur l'île d'Anticosti, puis on dit vraiment que c'est un milieu particulier, mais c'est vrai. C'est il y a rien qui est pareil comme ça ailleurs au Québec. Puis j'ai voyagé quand même beaucoup. Puis l'île Anticosti, c'est un lieu où on peut vraiment pas juste se ressourcer, mais être comme un peu ailleurs. Mm-hmm. C'est comme un ailleurs fantastique qu'il y a pas tant de monde qui sont allés, donc il y a encore plein de choses à découvrir. Puis c'est vraiment, ben, je pense que juste l'île en général, c'est un moment fort. Oui. Ouais, puis le fait que ce soit aussi comme détaché, là, on est comme au milieu de l'eau, là, ça aussi, ça rend un peu plus mystique, là. Mais aussi, tout le contexte de rencontrer des artistes, parce qu'on était en même temps que d'autres artistes, là. Mm-hmm. Puis ça, c'est vraiment enrichissant de les discussions qu'on avait, puis les rencontres qu'on a fait, là. C'est vraiment le fun. Et sinon, Tom, je me demandais, parce que toi aussi, tu es artiste, principalement photographe, je pense. Mm-hmm. Oui. Qu'est-ce qui te marque? Parce que toi, tu as quand même eu l'occasion de faire quand même deux présences à Anticosti. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué là-bas? C'est vraiment... le paysage ressemble à rien au Québec. Là, c'est vraiment... Donc, on vit dans la poussière, les arbres sont tous... On parle seulement des épinettes blanches tout le temps. On est entouré par la mer, mais en même temps, on peut vraiment avoir un sentiment d'être sur un continent. Puis la trace historique aussi qu'on peut trouver. Donc, il y a des villages fantômes un peu partout. Il y a des cimetières un peu cachés dans les forêts. La présence industrielle. Donc, pour un photographe, c'est vraiment... un jeu, en fait, d'explorer l'île parce que toutes les thématiques qu'on peut aborder, tu sais, moi, j'aborde plutôt l'exploitation industrielle, donc j'avais des coupes forestières à photographier, j'en avais trop quasiment, je pouvais pas faire le tour. Contexte pétrolier aussi cette année, donc on vivait une espèce de moment historique sur l'île cette année parce que le pétrole, ça a marqué la fin du pétrole, en fait. Oui. Donc, mais les sites sont encore là. On peut aller les voir. Sont même pas verrouillés. Puis on voit déjà les dégâts qui s'apprêtaient à faire. Donc, pour un photographe, c'était vraiment quelque chose de très riche. Je pense même pas que j'ai fini encore de l'explorer, même si j'ai passé un été au complet là-bas parce que c'est immense, en fait. Oui, c'est ça. C'est une des plus grandes îles, je pense aussi qu'on a au Québec. c'est la plus grande au Québec. Ouais. Mm-hmm. Oui. Donc, on parle de 222 kilomètres de long. Donc, pour aller d'un bout à l'autre avec les routes qu'ils ont là-bas, c'est un 6 heures de route en véhicule tout-terrain. Oui, oui. C'est quasiment un petit pays en soi, un petit pays européen en soi, l'île Anticosti. Oui, c'est ça. Et je voulais aussi demander ou ben peut-être aller vers l'événement que vous préparez, les filles, parce que vous voulez mettre en valeur aussi ce travail que vous avez réalisé là-bas, donc vous n'êtes pas seules. Il y a une exposition qui se prépare cette semaine, d'ailleurs, à partir du 26, si je ne m'abuse, et jusqu'à la fin de semaine. Dites-nous-en un petit peu plus. Qui vous accompagne aussi, les artistes? Oui, dans le fond, il y a moi, Laurence Tom, puis en plus de nous, il y a Stéciane Olivier, Isabelle Demers, Marie-Pierre Gravel, Pierre Barrelon, puis il y a trois personnes de Chicoutimi qui s'ajoutent à nous. Là. Tous ceux que je viens de nommer sont des gens de Québec, sauf Tom qui est de Montréal. Puis de Chicoutimi, il y a Louis Moulin, Joannie Simard, puis Nathalie Birecki. Parfait. Donc, on va vraiment découvrir ce que vous avez réalisé là-bas aussi, c'est ça? Oui, on monte une exposition, tous ces artistes-là ensemble, puis on va vous proposer de mettre en valeur chacun de nos projets, puis ça se passe en fin de semaine. Parfait. Et ça se situe où exactement, cette belle exposition? C'est aux ateliers du roulement à B, puis Michel va vous dire l'adresse exacte. c'est au 336. Okay, rue Sainte-Hélène. Oui, super. Donc, ça va vraiment permettre... Et on a, là, bon, Isabelle Demers, on connaît, mais là, il va avoir quoi exactement à voir comme œuvre? Ou juste, il va avoir de la photo, il va avoir beaucoup du dessin? Beaucoup de photos. Okay. Il va avoir de la peinture, des livres d'artistes ou des zines, il va en avoir... Parce que je pense que toi, ton projet de cadavre-ci, c'est d'en forcer manifester finalement au final avec un livre d'artiste. Exact. C'est ça? Ouais. Puis il y avait aussi les deux filles de Chicoutimi qui sont le collectif Vagabonde qui vont faire un lancement de livre. OK. Il y a Isabelle, Stéciane aussi qui présente un zine ou un livre. Il va avoir de la vidéo, il va avoir de la peinture acrylique, de la peinture aquarelle. Finalement, on va en trouver pour notre compte, pour finalement. Tous les goûts. Oui, pour tous les goûts. Parfait. Et peut-être j'aimerais terminer avec Tom un peu pour savoir qu'est-ce qui nous attend pour la. Est-ce qu'on a le droit d'en parler de la prochaine édition de Résidence Nomade? Ou sinon, si on a des artistes à l'écoute, on parle d'appel au dossier quand on pense à être lancé, où on peut trouver les renseignements? En fait, on est encore dans le bilan 2017 en ce moment, puis on n'est pas encore fixé sur ce que sera l'édition 2018, mais donc on devrait annoncer ce qui va se passer au courant du mois de janvier ou février, là, au courant de l'hiver. Puis vous pouvez suivre la page Facebook, là, c'est Résidence Nomade. Sinon, on a un site web au www.residencenomade.com. Parfait. En tout cas, c'est certain qu'on va suivre ça parce que c'est vraiment une belle initiative. En tout cas, chapeau à toi et Karine d'avoir mis ça sur place parce que véritablement, ça semble générer vraiment de l'enthousiasme auprès des artistes, mais aussi, je trouve ça intéressant en même temps, ce rapport avec la communauté aussi là-bas, ce rapport aux régions éloignées qui n'ont pas très souvent accès à l'art actuel, si je peux dire, ou bien même à la culture, je pense justement particulièrement Anticosti. Donc, bravo, chapeau à toi et Karine pour ça. Et mesdames, je vous remercie beaucoup aussi d'être venues nous parler de cette aventure à laquelle vous avez fait partie au cours de l'été. Et longue vie à Résidence Nomade. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci. Donc, nous allons aller en pause audio, pas en pause audio, mais en pause publicitaire, et on revient de l'autre côté en chronique avec Julien Saint-Georges et Héloïse Plamondon-Pagé. CKRL 89.1. Le dimanche 29 octobre, le Festival Québec en toutes lettres et CKRL vous invitent à la table ronde « La littérature au service d'un nouveau projet de société ». Nicolas Langelier, fondateur et directeur des éditions Atelier 10, pose la question aux auteurs Anne-Marie Olivier, Catherine Derillon et Steve Gagnon dans une rencontre où chacun est invité à exposer sa manière de réécrire le monde. À suivre sur votre radio dimanche prochain à 15h. Première Ovation, un tremplin pour la relève. Depuis 2008, la mesure Première Ovation donne aux artistes émergents de la capitale les moyens de créer et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Tu pratiques la musique, le théâtre, la danse, le cirque, les métiers d'art, les arts littéraires, visuels, médiatiques, numériques ou multi? Tu es jeune professionnel du patrimoine? Surveille le premièreovation.com pour connaître les prochains appels de projets. Une mesure réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec dans le cadre de leur entente de développement culturel promue par CKRL. De retour à l'aérospatiale sur les ondes de CKRL 89.1, Audrey Caro en votre compagnie, et je suis accompagnée de Julien Saint-Georges Tremblay. Bonsoir, bonsoir Julien. Bonsoir Audrey. Et Héloïse Plamondon-Pagé qui est déjà là, mais on va te souhaiter la bienvenue. Bien, bonsoir. Merci. Alors Julien, tu voulais nous parler de cette exposition Nouveau développement de Sébastien Clich qui a actuellement cours au lieu sur la rue du Pont. Oui. Une exposition quand même assez intéressante si on lui donne le temps qu'elle demande. Exactement. Mais je pense que dès qu'on rentre, tu le présentes bien, là, tu sais, comme quand on rentre, on dit, mais qu'est-ce qu'on regarde exactement? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments. C'est une table circulaire, finalement, quand on arrive. Une table qui n'est pas vide, mais on sent que peut-être qu'elle est utilisée. C'est ça, surtout. Là, Mais c'est comme... ça laisse l'impression comme d'un genre de laboratoire, de recherche, ou en tout cas, il se trame quelque chose là, là-dedans. C'est là. Ça. On a vraiment l'impression... Moi, c'est ça l'impression que j'avais quand je rentrais, c'est que le laboratoire vient juste d'être laissé, finalement. On dirait que le scientifique est parti. Parce que tu vois même, il y a un petit verre en styromousse avec de l'eau à côté. Tu sens que tout est un peu éparpillé. Tu réalises que c'est placé après coup, parce que tu vois bien que tout est comme bien... On peut bien voir certains éléments. C'est propre, quand c'est même. C'est ça, c'est propre. C'est pour avoir un travail, un bureau de travail, là, c'est pas propre comme ça, mon bureau non plus. Non, c'est ça, c'est vraiment... Clich veut nous donner l'impression, finalement, qu'il vient juste de partir. Puis d'ailleurs, la table, c'est vraiment le point de départ de l'installation. C'est la table qu'il a utilisée pour travailler. Là. Donc, c'est vraiment... C'est son bureau, finalement, qui nous a... Il voulait faire une table. Et là, il a fait la table et après, il a commencé à travailler. Puis là, le projet a comme pris de l'ampleur sur toute la table. Et c'est devenu l'installation, finalement. D'ailleurs, juste... Pour le dire, en fait, c'est-à-dire que l'expo a déjà été présentée, donc c'est pas la première fois que l'installation... À Montréal, hein? Oui, exactement, dans la Maison de la culture de Maisonneuve, tout l'été, dans le fond. Et il m'a dit, parce que c'est ça, j'ai eu une petite entrevue avec lui, il m'a dit que le lieu du lieu était un lieu idéal. Mais c'est ça, c'était vraiment... C'était vraiment l'endroit idéal pour présenter cette... Exactement, un espace optimal, parce qu'il trouvait qu'en fait, il y avait moins de distractions. Dans l'espace, hein, le lieu, c'est vraiment, c'est blanc, c'est un cube parfait. Ça fait très bureau de la manière que ça a été arrangé avec les deux grandes vitrines l'avant. C'est ça, c'est très, très minimal, mais ça encadre bien, il trouve la table qui est circulaire. Le cercle était vraiment comme une forme qui revient à travers toutes les... Visiblement, dans la table, les objets qui s'y trouvent... Il y a des petites sphères. Oui, il y a des sphères, il y a des maquettes aussi qui sont là. En cercle aussi. Exactement. Tout le temps, qui revient. Puis dans le fond, l'espace d'exposition fait vraiment le carré qui vient encadrer ce cercle-là. Puis ça vraiment, il voit vraiment comme un... Mais en fait, c'est une transposition des métaphores qu'il veut essayer d'exprimer, c'est-à-dire le contrôle, en fait. Oui. Le contrôle sur... la forme parfaite, qui est le cercle, qui est la sphère, finalement. Le contrôle, c'est toujours une thématique très présente dans son travail, la surveillance. C'est ça que j'allais dire. Il y a quelque chose de la surveillance beaucoup dans cette œuvre-là, parce que sur la table, justement, on voit des écrans, des petites télé ou écrans qui sont là. Il y a beaucoup de caméras, finalement. Hein? Ça fait penser, finalement, plus on donne le temps, plus on regarde. On dirait presque un poste de surveillance, de sécurité, oui, en quelque fait, sorte. Oui, tout à fait. Parce que les télés, en plus, sont petites, hein, comme tu le dis. Ça fait que ça fait vraiment... on dirait qu'on doit remettre le plus d'écrans possible qui donnent plein d'angles de vue de l'installation qu'on voit. T'sais, on ne montre pas quelque chose d'autre. On montre ce qui se passe en ce moment, finalement. Mais on ne se voit pas dans ces caméras-là. Hein. Donc, on peut mettre sa main, on peut passer quand on voit où la caméra est, mais on n'essaie pas de filmer le spectateur. On essaie vraiment de filmer l'œuvre, finalement. Okay. Donc, il parle vraiment ici d'autosurveillance. C'est-à-dire que l'œuvre doit un peu comme se regarder elle-même pour essayer de ne pas perdre quelque chose. Aussi, aussi dans l'idée du travail en continu. C'est-à-dire, on essaie de filmer le travail qui se développe. Oui. Pour voir qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Comment ça évolue aussi, Exactement. Et dans le fond, ça, c'est à travers plusieurs de ces projets, on peut revoir ces caméras-là qui surveillent l'œuvre. Et ici, qu'est-ce qu'elles surveillent? C'est ça, c'est des maquettes qu'on parlait, mais de villes utopiques, finalement. Donc, vraiment, il est parti du cercle, parti de la table, et en pensant au cercle, en fouillant un peu, il a trouvé finalement que plusieurs utopies à travers l'urbanisme ont eu rapport au cercle, en fait. Donc, il y a eu beaucoup d'urbanistes au 18e, au 17e siècle qui réfléchissaient finalement à une ville idéale, et la forme qu'ils trouvaient, c'est le cercle. Mais comme on pense peut-être aussi à des rapports le Dieu, finalement, tu sais, comme le cercle il symbolise souvent le divin. On dirait qu'ils voulaient, les urbanistes voulaient réappliquer ça dans la ville. C'est la plupart des villes dont il va s'inspirer n'ont jamais eu lieu, ne sont jamais réalisées. Mais tout de même, ça va être très, très prenant pour l'urbanisme. Et même, en fait, il y a beaucoup d'informations. Si on vous attardait un peu, il y a des cartables. Feuilletez-les, ils sont là pour ça. Hein. C'est ça, on peut intervenir, toucher les éléments, analyser, mm-hmm. faire notre propre enquête finalement. Exactement, mm-hmm. c'est ça, découvrir plein de projets super intéressants, notamment, moi j'ai déjà beaucoup d'intérêt pour ça, c'était étrange, je faisais, ben voyons, en tout cas c'était comme un cours. Ça t'a interpellé vraiment. Ah oui, vraiment beaucoup, là. J'ai eu un cours à l'université sur l'urbanisme, notamment les villes utopiques, je trouvais ça fascinant, mais il y en avait une, là, c'est la panoptique de Jeremy Bentham. C'est ça, il y a un collègue qui m'en faisait la mention, justement, Foucault aussi en a parlé aussi, puis je me suis rappelé parce que oui, en histoire de l'art aussi, à l'époque, on mm-hmm. en avait parlé de ça, puis ah oui, okay. c'est ces bâtiments finalement qui sont tout circulaire, mais avec un élément central de encore là, on est dans la surveillance. Exactement. Oui. C'est ça. Donc, on peut vraiment faire des rapports. Moi, j'avais vraiment comme, mettons, une utopie. Mm-hmm. C'est tellement... Moi, c'est ça, c'est mon interprétation personnelle, mais c'est tellement fragile qu'il faut la surveiller en constant. Mm-hmm. Il faut toujours être en contrôle, finalement, parce que sinon, ça peut pas fonctionner. C'est ça aussi le caractère utopique, c'est que ça peut pas fonctionner, finalement, parce qu'il faudrait qu'on soit à 24 heures sur 24, 365 jours par année, à s'assurer que tout fonctionne, mais mm-hmm. avec les humains, avec une ville complètement contrôlée, je pense que c'est ça. C'est mm-hmm. impossible, finalement. C'est un modèle aussi, je pense, qu'à l'époque, on voulait instaurer pour les prisons. Exactement. Notamment. Mais la panoptique, c'est ça. C'est-à-dire, c'est vraiment là, le Big Brother avant l'heure, là, c'est-à-dire le gardien est au centre, dans une tour, et les cellules sont autour de ce centre-là. Donc, les prisonniers ne peuvent pas se cacher, finalement. Ils sont constamment regardés, même avant l'apparition des caméras. Là, on parle ici de 1780. Oui. Donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir avoir une omniscience, une omniprésence, finalement, là, dans la prison. Aussi, en discutant avec mon collègue, il me disait, mais c'est aussi l'idée de la surveillance, qu'on est surveillé, parce qu'il pourrait y avoir des vides givrés. Exactement. Puis finalement, personne à l'intérieur, mais on pense qu'on est tout le temps regardé. Un peu comme les caméras dans les rues maintenant. Hein? Mm-hmm. Plusieurs villes ont des caméras dans les rues pour s'assurer de la sécurité, mais reste qu'on est quasiment constamment dans les magasins. On est toujours sur surveillance. Il y a tout ça aussi, ça amène à tout ça. Mais on ne sait pas vraiment c'est qui nous regarde. On ne les voit jamais, ces personnes-là aussi, d'ailleurs. Donc c'est toujours, oui, la caméra est là, mais l'objet est plutôt... comme représente, comme tu dis, beaucoup plus que juste un regard. C'est comme la police. Mais hein, ça a une incidence aussi sur le comportement des gens. Parce que ne sachant pas si on est surveillé ou non, si à ce moment-là on est regardé ou pas, ben on va s'empêcher de commettre des gestes où dans le panoptique, les prisonniers agissent comme il faut, parce qu'ils savent pas si s'ils vont être réprimandés après ou peu importe, vraiment. Puis dans le fond, finalement, quand on entre dans cette installation-là, on devient la personne derrière la caméra, justement, cette personne dont on se demande toujours, qui mais c'est surveille. Qui? Mm-hmm. C'est ça. Mm-hmm. Mais finalement, ce qu'on surveille, c'est la sphère, c'est quoi? C'est ça, ou on juste, sait pas exactement. D'ailleurs, Sébastien me l'a dit, c'est-à-dire, je lui demandais, est-ce que pour toi, l'urbaniste fictif qui s'affaire mm-hmm. à travailler va réussir son travail? Il dit non, pas du tout. Mm-hmm. C'est voué à l'échec déjà, mais ça veut pas dire non plus qu'il faut pas essayer, ou faut pas s'interroger, faut pas s'inspirer de ça. On a essayé, puis il faut continuer peut-être à viser, peut-être pas la surveillance totale, mais du moins une ville bien organisée. Je pense que c'est un appel aussi à ça. Là. Il y a pas, c'est pas complètement c'est pas négatif le projet qui nous présente là. Ouais. Non, du tout. Puis je pense que c'est, ça amène vraiment à la réflexion, à tout ça. Si, comme je disais, en d'André Dieu, si on se donne la peine de regarder. Ouais. Enfin, moi, juste aux images, je n'ai pas eu l'occasion de visiter, mais en regardant les images, c'est tout ça qui m'est venu en tête, là, c'est certain. Une petite fascination, un petit mystère. Ouais. Puis c'est ça... c'est vraiment une exposition intéressante. C'est ça, faut prendre le temps. Finalement, mm-hmm. Se donner une minute de plus peut-être. Qu'on se dit, ah, mais voyons, qu'est-ce que c'est? Je comprends pas trop. On fouille, puis après, on voit, wow, on on peut passer un parce qu'il y a plein de finalement un peu de petits éléments qui sont laissés de traces qui sont là pour nous donner des directions aussi là. C'est ça. Ça devient familier rapidement aux abords. Peut-être on se dit on transgresse peut-être une limite là, c'est-à-dire de rentrer dans l'œuvre, rentrer dans l'atelier, admettons, de la table. Finalement, on devient familier, c'est ça, rapidement, je pense, à découvrir. Fait finalement, une exposition qui vaut vraiment le détour au lieu. Et c'est présenté jusqu'à? C'est jusqu'au 5 novembre. 5 novembre, donc, oui. Il reste encore un bon 2 semaines. Un petit moment, mais vraiment, ça vaut la peine. Mm-hmm. Et allez voir le site aussi de l'artiste. C'est vraiment intéressant. Vous allez voir, c'est tout en cohérence avec son travail. Oui. Il réutilise les mêmes thèmes. On voit, c'est ça, des œuvres qu'il a faites avant. Donc, oui. Et justement, une photo de l'installation, je pense, au lieu est présentée en page couverture. Donc, ça donne vraiment une belle idée de ce qui nous attend là-bas. Bien, Julien, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Vraiment, ça donne le goût d'aller faire le tour, c'est certain. Donc, au lieu, Sébastien Cliche, nouveau développement. Et nous, on s'en va toujours écouter Escape Trees et on revient avec Héloïse Plamondon-Pagé au retour. Suis en compagnie de Héloïse Plamondon-Pagé. Bonsoir. Bonsoir. Donc, tu es allée voir pour nous cette exposition « Adieu la photographie », une exposition commissariée par Hélène Matt. Et c'est présenté à la maison Amel Bruno. Donc, on parle de photographie argentique ici, hein? Exactement. Ben oui, en fait, c'est que aujourd'hui, la photographie argentique est pratiquement disparue de notre usage quotidien, en fait. On a nos cellulaires au bout de nos doigts, les clichés s'accumulent, puis on... Aussi, tu sais, on prend les photographies juste dans l'idée des poster souvent, ou tu sais, comme des partager, mais il y a un nombre incalculable de photographies qui s'accumulent dans nos banques de données qu'on reverra jamais et tout. Et en fait, Hélène Matt, elle s'est, dans ce contexte-là du 21e siècle, elle s'est intéressée à la notion de photoplastie, donc dans la photographie actuelle, c'est-à-dire à la matérialité et aux gestes des artistes qui utilisent encore la photographie argentique, mais de différentes façons. Et elle a rassemblé 14 artistes incluant elle-même, dans le fond. Puis elle présente certaines œuvres de ces artistes-là à la maison Amel Bruno. C'est une très belle exposition, c'est vraiment bien monté. Les textes aussi sur les murs sont super intéressants. Oui, il y a un bel accompagnement aussi vraiment, pour donner des pistes de réflexion. Vraiment. Et parmi ces 14 artistes-là, ben, malheureusement aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire le tour de chacun, mais c'est ça, il y en a certains qui ont attiré mon regard, dont ben, il y a Moya Jobin Paré qui est mon coup de cœur de l'exposition, qui est une artiste de Québec qui travaille la vidéo, puis aussi elle est musicienne, il me semble. Et puis, ben, c'est ça, elle... Hélène Matt a choisi de présenter sa première vidéo d'animation qui s'intitule 4 minutes 15 au révélateur. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant parce que Moya, ce qu'elle a fait pour cette vidéo-là, c'est qu'elle a filmé, elle habite au centre-ville de Québec, donc elle a filmé du haut de son appartement la vue de la ville. Mm-hmm. Puis ensuite, elle a sorti les images de cette vidéo-là sur des photos argentiques. Donc, il y avait des centaines et des centaines de photographies. Puis elle est venue intervenir à la main sur chacun des clichés. OK, pour faire une vidéo d'animation par ça. La suite. D'accord. Mais littéralement, elle sublime la ville. C'est magnifique. Puis ça devient un peu... ça devient complètement autre chose avec des symboles. L'autoroute se transforme en d'autres choses. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant. Ensuite, il y a Madeleine Doré qui a travaillé... Avec le Polaroid. Ben oui, c'est ça, avec des Polaroids miniatures. Donc, avant, il y avait le Polaroid carré tel qu'on l'a connu. Mm-hmm. Ensuite, dans les années 2000, pour les enfants, il y avait des nouveaux petits Polaroids qui étaient comme miniatures. Comme avait, en bande, là. Ouais, des languettes de plastique. Et puis, elle a tissé ces languettes-là, puis elle a comme fait une immense chute multicolores de ces languettes-là. Donc, c'est un peu référence un peu à l'aspect ludique et banal de ces objets-là qu'on utilisait au quotidien. Mais moi, ça m'a fait penser un peu à l'utilisation des photographies qu'on prend aujourd'hui avec nos téléphones. Mm-hmm. Parce que la quantité de Polaroid qu'elle a utilisé, puis c'est vraiment des photos de son entourage, de ses amis, du quotidien. Donc, quand on parcourt ça au mur, ben, on a l'impression d'assister comme à vraiment au quotidien de quelqu'un, l'aspect banal du Polaroid ressort vraiment bien. Oui, puis il y a le côté aussi instantané, autant de dire c'était la manière la plus rapide d'obtenir une photographie en quelques minutes, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, il fallait aller porter son film au centre de développement, c'était développé, c'était long, alors que ça, c'était le moyen le plus rapide avant l'ère du téléphone portable. Exactement. Ou de la photographie numérique pour obtenir une photo sur le champ, donc c'est quand même un ancêtre de ce que l'on vit actuellement, mais beaucoup plus rapproché, là. Ben oui, c'est ça. Puis il y a un peu quelque chose de nostalgique, puis du récit familial, du récit des amitiés. Donc, en parcourant, justement, on remarque, on reconnaît les mêmes personnes, puis on peut se faire un récit nous-mêmes dans notre tête. Ensuite, il y avait Bruno Guillot et Jacinthe Lessard qui, dans leurs pratiques respectives, présente un travail qui est vraiment par rapport un peu au travail de l'artiste dans la chambre noire, c'est-à-dire que un peu en référence aux expérimentations de Man Ray, Bruno Guillot, il crée ce qu'on appelle des luminogrammes, puis des photogrammes, en laissant la lumière littéralement écrire sur le sur une surface sensible, photosensible. Donc, il utilise des objets de verre avec une certaine transparence ou avec une certaine opacité. Il s'enferme dans la chambre noire, il expose avec une lampe trafiquée son papier photosensible, il va déposer les objets dessus, les bouger, puis ça crée vraiment comme une sorte de tableau abstrait. Mais c'est ça, c'est vraiment la lumière qui est venue agir directement sur le papier. On revient au principe de base de la photographie. Finalement, c'est de la lumière qui imprime sur une surface photosensible, tout simplement, parce que c'est ça qui a été au début. On avait une surface sensible, puis on déposait un objet dessus, ça l'imprimait, et c'est un peu comme ça que ça partit, je pense, la photographie. Exactement, c'est ça. Donc, c'est un beau clin d'œil à toute cette tradition-là, puis aussi... Puis aussi, il y a Jacinthe Lessard qui, un peu dans le même esprit, mm-hmm. utilise, elle, des outils de menuiserie oui. Pour venir intervenir directement sur le papier. Donc, par endroits, elle va le creuser, elle va le frotter, elle va enlever de la matière photosensible. Puis ensuite, elle développe son papier argentique. Mm-hmm. Et là, il sort plein de couleurs et tout, puis ça ressemble vraiment... Moi, ça me faisait penser à des micro-organismes ou à oui, des... Oui, oui, oui. Donc... Il n'y a pas beaucoup de matière, me semble, sur le papier. Non, c'est vraiment mince, c'est mais ça. C'est que si, quand le papier n'est pas encore développé, tu viens gratter, puis tu viens altérer sa surface. Ah. Ensuite, ben je présume, c'est ça, quand tu le développes dans les bains et tout, ben la couleur sera pas la même. Non, c'est sûr. Donc, quand on est de loin, moi, ça me faisait vraiment penser si ça a des micro-organismes et tout. Puis quand on s'approche, on sent toute la matérialité du geste. Donc, ouais, c'était super intéressant. Oui. Et est-ce qu'il te resterait un artiste à nous présenter? Oui, aussi, certainement. Je pense qu'il y en avait un autre qui avait retenu ton attention. Hein? Oui, ben aussi, il y a le travail d'Hélène Matt qui était super intéressant, mm-hmm. Qui est aussi la commissaire, mais elle s'est intéressée à la notion d'icône et d'aura dans la photographie. Oui. Benjamin en parlait dans son livre « L'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique ». Et puis, ben, c'est ça, elle reproduit, si on veut, un schéma de portrait de jeune mm-hmm. fille tel qu'il faisait dans l'ancien temps avec les photographies, oui. mais plus en peinture. Il y a toute une matérialité aussi. Il y a de la peinture, il y a du collage, il y a du dessin. Puis c'est un peu l'idée pour le peintre de se réapproprier le sujet, puis l'aura aussi qui peut sortir là, de cette image-là. Oui, puis ça rappelle aussi en même temps dans les premières photographies qu'on faisait, on venait des fois les rehausser de peinture. Mm-hmm. Oui, tout aussi. À fait. La colorimétrie, est-ce que c'est ça, En tout cas, la coloration oui. des photos. Oui, exactement, c'est mm-hmm. ça, des rehauts de couleurs. C'est toujours intéressant. Moi, j'adore tomber sur ces vieilles photographies-là et tout, où on était comme... On n'assumait pas encore la photographie comme un art à part entière. Il fallait le camoufler, fallait le rendre plus noble, oui, en quelque ça, sorte. Il y a une certaine noblesse, la en tout cas. La peinture, encore, était beaucoup plus considérée que la photo. Oui, c'est ça. Donc, finalement, bref, pour les amateurs de photos, vraiment une exposition... encore une fois, assez vaste, qui nous présente différentes manières d'aborder le médium de la photographie. Puis surtout pour les nostalgiques de photos argentiques, je pense qu'on est vraiment servi avec oui, cette exposition. Oui, tout à fait. Puis c'est parce que aussi, justement, j'ai pas pu parler de tous les artistes, mais on nous amène ailleurs. Il y en a mm-hmm. que ça va devenir vraiment plus sculptural. Il y en a d'autres que ça va devenir. Donc, tu sais, c'est vraiment très... Ça témoigne sur les appareils photo si anciens, hein, aussi, nostalgie envers ça. L'objet aussi. Puis aussi hein, l'appareil photo en tant que, tu sais, comme un objet de médiation mm-hmm. Envers d'autres communautés ou... ouais, donc... Donc, à voir, c'est jusqu'au... C'est jusqu'au 17 décembre. Parfait. Donc, ça, ouais. C'est le fun. À Maison Amel Bruno, on est toujours sur une plus longue... On a du temps. Une plus longue période, oui. Mais quand même, il ne faut pas oublier d'aller la voir, oui. Même si c'est un petit peu à l'extérieur de la ville. Bien, Héloïse, merci beaucoup merci de nous à avoir toi. Parlé de cette exposition. Adieu la photographie, donc, présentée à la Maison Amel Bruno. On fait une courte pause audio et je vous reviens avec l'agenda de la semaine. termine comme toujours avec une annonce des événements à ne pas manquer cette semaine. Beaucoup, beaucoup de choses, comme je vous disais en début d'émission. On commence ce mercredi à la Maison des métiers d'art de Québec, conférence midi avec le sculpteur Yvon Lompré de 11h à midi, à vrai dire, de 11h à midi au local 301 au troisième étage. L'artiste va présenter son parcours artistique ainsi que les résultats de sa résidence de création à la Maison des métiers d'art. C'est gratuit, bien sûr. Sinon, du côté de Lévis, mercredi à l'Anglicane, se tiendra la 25e vente aux enchères de diffusion culturelle de Lévis et c'est à partir de 18h30. Il faut réserver, par contre, 418-838-6001. Sinon, ce jeudi, on vous rappelle que c'est le vernissage de l'exposition de la résidence Nomade, donc ce collectif d'artistes qui ont été, bien sûr, à la résidence à Anticosti. Et ça va se dérouler, pour vous rappeler, aux ateliers du Roulement B, 336 rue Sainte-Hélène, dès 17h. Et vous vous rappelez que c'est que quelques jours, ça se termine ce dimanche. Sinon, vendredi, plusieurs vernissages ont lieu à Méduse. Et la soirée va débuter à 18h. On vous invite chez Engram pour découvrir les œuvres de l'artiste polonais Kamil Kokurek avec l'exposition Jeu. Sinon, à vue, c'est un double vernissage de Nous y arriverons vite et ensuite nous prendrons notre temps de Kotama Bouaban et aussi l'exposition interactive de Conversation with Magic Forms du collectif Leisure qui est formé de Meredith Carruthers et Susanna Wesley. Et à la bande vidéo, on va se tenir aussi le vernissage de l'artiste belge Anouk de Clercq qui présente son œuvre Thing. Et la soirée se termine à l'œil de poisson à compter de 20h où on pourra voir le travail de Jonathan Plante qui nous présente L'Immobile, une série de sculptures qui cinétique, si je peux dire, à vous d'aller découvrir ça. Et également de l'artiste français Nicolas Puyjalon, Life Magically Is, dans la petite galerie de l'œil. Il va y avoir également une performance dans les alentours de 20h30, alors à ne pas manquer à l'œil de poisson en fin de soirée. Et sinon, de l'autre côté du fleuve, Regard présente à 19h le spectacle de danse contemporaine Fissuration avec le danseur Fabien Piché, un projet inédit qui allie danse, musique et environnement visuel. Ce samedi, les nuits du Musée national des Beaux-Arts du Québec se poursuivent. C'est sous le thème La Mascarade. Donc, on vous invite à arriver au musée costumé, une grande soirée qui commence à compter de 22h et c'est les artistes du théâtre Rude Ingénierie qui revisitent ce thème de la mascarade en imaginant une aventure inédite à travers de la musique ou qui est jumelée avec les arts visuels et l'art culinaire multiforme. Vraiment une soirée à découvrir pour voir le musée sous un autre jour, je vous dirais. Et ça se poursuit jusqu'aux petites heures. Billets 20$ et 17$ pour les membres. Donc, je vous invite fortement à réserver avant plutôt que d'arriver sur place, car c'est très populaire. Et ce dimanche, le matin, bien sûr, pour les enfants, toujours au musée, une activité d'animation littéraire autour de l'exposition de Riopelle et Mitchell. C'est Riopelle racontée aux enfants à compter de 9h30. C'est une invitation donc à découvrir Jean-Paul Riopelle au travers de photographies, d'œuvres et de récits. En après-midi, c'est le vernissage de Manifester du Mirage de Jérémy Saint-Pierre dès 13h à la galerie Michel Guimont. Ben voilà, c'est déjà tout pour nous. Je vous l'avais dit, il y avait beaucoup de choses à l'agenda cette semaine. Et je vous invite bien sûr à toujours consulter notre page web, l'aérospatiale, ckrl.wordpress.com. Un grand merci à mes invités ainsi qu'à mes chroniqueurs. Et je remercie également aussi Mélanie Florent qui a fait la mise en onde de cette émission en remplacement de Jacques Gignac. Salutations à Gentiane La France qui nous écoute en direct de Matane. Restez à l'écoute car de l'autre côté de la pause, c'est Pierre Blais et toute son équipe qui vous attendent pour discuter cinéma à l'émission Situation Critique en direct de la Nicasie. Et quant à moi, je vous dis une très belle semaine et à mardi prochain, 17h30. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.